بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة تقي الدين المقريزي رحمه الله تعالى سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما نسأله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس وهذه الحلقات في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة وبعد طيب إذا نواصل قراءتنا عند قول المصنف رحمة الله عليه بعضا قال وتعلقت الاستعادة في أوائل القرآن باسم الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا هذا الكلام نواصل إلى آخر الكلام في الصفحة التالية بعض أن قال ولهذا كل اسم بعده لا يتعرف إلا به فتقول الله والسلام المؤمن المهيمن ثم قال فالجلالة تعرف أو تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خارقا آخر وإن لم يقولوا إنه إله مكافئ له وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية ثم ذكر وربوبيته سبحانه وتعالى للعالم الكاملة المطلقة تبطل أقوالهم لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناوله ربوبيته إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه Donc on va reprendre ce point-là, ce passage-là, jusqu'à ce qu'ensuite qu'on va reprendre où on s'est arrêté dans la lecture du matn, lorsque l'auteur dit « wa shirkul umam kulluhu naw'an » à la fin lorsqu'il va évoquer deux genres de polythéisme chez les nations, chez les différents peuples. « Shirkul fil ilahiyya wa shirkul fil rububiyya » Donc là on est dans le matn. On revient sur certains points importants. Alors, lorsque l'auteur dit فَالْجَلَالَةُ تُهَرِّفُ غَيْرَهَا وَغَيْرُهَا لَا يُهَرِّفُهَا ça on l'a explicité, ou plutôt on l'a expliqué dans la dernière assise. قَالَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا بِهِ تَعَالَ فِي الْرُّبُوبِيَّةِ مِنْهُ مَنْ أَثْبَتَ مَعُوا خَالِقًا آخَرَ et on s'est arrêté là, du moins dans l'explication. Dans la lecture du matn, on a dit on s'est arrêté lorsque l'auteur va citer les deux genres de polythéisme concernant les différents peuples, concernant les nations et les oumams. Là, il dit maintenant, l'auteur nous fait allusion, il revient au tawhid, à l'unicité de la seigneurie. Donc, comme vous savez, vous allez trouver beaucoup et différents livres, différentes œuvres concernant le tawhid, où les savants, par exemple, surtout beaucoup d'œuvres de savants contemporains, qui lorsqu'ils parlent de tawhid, subdivisent les différentes catégories de tawhid en trois catégories. Souvent, surtout c'est Al-Mutakhirun, dans les œuvres des savants contemporains, souvent on voit que le tawhid est divisé en trois catégories. De la seigneurie, de l'adoration, et concernant les noms et les attributs d'Allah. Tawhid al-Rububiyya ou al-Uluhiyya, wa fil asma wa sifat. Et vous allez trouver dans d'autres œuvres, parfois les savants vont résumer ou synthétiser en deux catégories. Vont faciliter en deux catégories. Comme on avait dit, on retrouve ça dans les écrits de grands imams comme Ibn Qayyim et d'autres. Tawhid al-Ma'rifati wal-Ithbat wa Tawhid al-Qasd wal-Talab. Les différentes expressions qu'on retrouve dans la subdivision des différentes formes d'unicité reviennent au même sens. C'est juste l'expression. Sinon, ça revient au tawhid al-rububiyya, au tawhid al-uluhiyya, au asma, au sifat. Lorsqu'on dit l'unicité de la seigneurie, on a dit, c'est croire qu'il n'y a qu'un seul seigneur, subhanahu wa ta'ala, celui qui détient les caractéristiques de la seigneurie. Un seul qui pourvoit, un seul qui administre et gère cet univers, un seul qui a créé, qui nous a donné existence alors que nous étions néants, on n'existait pas, fahuwa al-mujid. Fahuwa al-mujid. Et donc, cela nous mène et nous conduit vers al-ubudiyya, vers l'adoration de ce Seigneur. Là, ce qu'on va apprendre, c'est que les formes de polythéisme, les catégories de polythéisme, sont multiples. Et donc, on peut donner un associé à Allah Azza wa Jal, où le shirk peut se faire dans différents domaines, que ce soit dans le domaine de la seigneurie, comme dans le domaine de l'adoration. Et là, l'auteur nous dit, ici, fait allusion à une forme de polythéisme qui est dans la seigneurie. Et il dit, regardez, وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا بِهِ تَعَانَ فَالْرُّبُوبِيَةِ مِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَ مَا مُخَارِقًا آخَرٍ. Et donc, ceux qui ont donné un associé à Allah Azza wa Jal dans la seigneurie, c'est lorsqu'ils ont affirmé qu'il y a un autre créateur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un polythéisme dans la seigneurie. وَإِنْ لَمْ يَقُولُوا إِنَّهُ إِلَهٌ مُكَافِئٌ لَهُ وَهُمَ الْمُشْرِكُونَ وَمَنْ ضَاهَهُ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ. Ce qui est ici, ce qui fait une portée d'attention, c'est que lorsqu'ils citent cette catégorie de polythéistes qui ont donné des associés à Allah Azza wa Jal dans la seigneurie, ensuite il va citer Al-Qadariya. Al-Qadariya, c'est une fraction qui a émergé dans les siècles, les premiers siècles de l'islam. Cette fraction-là, Al-Qadariya, sont nommés Al-Qadariya du fait qu'ils ont lié Al-Qadr pour leur négation du destin, comme on l'a relaté cela dans l'assise précédente. Et donc, Al-Qadariya sont apparus déjà à l'époque de l'ère des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont commencé à débattre et spéculer sur la question du Qadr. Or, on avait déjà dit dans des assises précédentes, Al-Qadr, il faut respecter les limites. Pourquoi ? Parce que, comme il est dit dans un récit, c'est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala, le destin. Donc, il faut dire ce qu'on sait, ce qui nous est rapporté dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, sallam, comme cela a été enseigné par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Des gens ont pénétré des domaines défendus. Et donc, on voit que déjà dans les premiers siècles, à l'époque des compagnons, des gens se sont égarés dans la question du destin. Sauf que dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'qadariya, subhanallah. Dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare al-qadariya avec al-majus. Il dit al-qadariya majus ou hadhihi l'umma. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti de cette tendance innovatrice, cette fraction qui émergera, al-qadariya. Sauf que ce récit, comme il va être cité ensuite, il est rapporté dans les sunan de Abu Daoud. Mais les savants ont divergé sur l'authenticité de ce récit. Al-Qadariya Majusu Hadihi Umma. Les savants qui ont authentifié le récit expliquent pourquoi Al-Qadariya ont été comparés aux polythéistes, ceux qui ont donné des associés à Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. Entre autres, ils sont comparés à Al-Majus. Et on verra dans ce qui viendra, ça sera plus détaillé là, la croyance de Al-Majus. Al-Majus, souvent traduit en français par les Mazdéens, c'est ceux qui croyaient en deux créateurs. Le créateur du bien et le créateur du mal. Khaliqan. Il sous-entend ça l'auteur, puisque regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا بِهِ تَعَانَ فِي الْرُّبُوبِيَّةِ مِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَ مَعُوا خَالِقًا آخَرٍ. Parmi ceux qui ont confirmé qu'il y a un autre créateur que lui, un autre. C'est pour cela qu'ensuite, Al-Majus y sont cités. Regardez ce qu'il dit. وَالرُّبُوبِيَّةُ سُبْحَانُ لِلْعَالَمِ الْكَامِلَةِ الْمُتْلَقَ تُبْتِلُ أَقْوَالَهُمْ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي رُّبُوبِيَّةُ لِجَمِيعِ مَا فِيهِ مِنَ الذَّوَاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْحَرَكَاتِ وَالْأَفْعَالِ. وحقيقة قول القدرية المجوسية. Ça sera détaillé dans ce qui viendra. Donc, El-Majus, eux, ils ont cru en différents seigneurs. Dans le sort qu'ils ont cru en différents créateurs. Ce qui est un polythéisme dans la seigneurie. Pourquoi Al-Qadariya ont été comparés à eux et voir que certains savants ont dit que même le shirk des Qadariya est pire. Et pire. Pourquoi ? Parce que eux, leur croyance au Qadariya implique, on parle d'implication. On parle d'implication. Ils aiment. Implique qu'ils croient en différents seigneurs. Et plus encore que deux. Pourquoi ? Parce que dans leur croyance, les savants expliquent que la croyance d'El Qadariya, et surtout ceux qui ont repris cela plus tard, ceux qui ont remis, ou plutôt qui ont mis en avant la croyance d'El Qadariya, des négateurs du destin, c'est le Mu'tazila. El Mu'tazila avec leur négation du destin. Eux, pour eux, tous les êtres vivants, c'est eux qui créent leurs actions. Par rapport aux actions. Et vous avez vu, dans la croyance des gens de la Sunna, c'est Allah Azza wa Jal qui a créé les actions. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Conformément au verset lorsqu'Allah dit, et Allah vous a créé wa ma ta'malun. Et ce que vous faites. Donc les œuvres, aussi Allah Azza wa Jal les a créées. Hind al-Mu'tazila, les œuvres, c'est l'homme. C'est l'homme qui est à la base, qui est à l'origine de ses œuvres. Donc, il en est le créateur de celle-ci. Et d'ailleurs, l'auteur de Ifadat al-Mustafid, il va faire allusion en disant, lorsqu'il va expliquer la partie, وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ وَمَنْ ضَاهَاهُمْ مِنَ الْقَدَرِيَّ. C'est-à-dire, مَنْ ضَاهَاهُمْ, ceux qui leur ont ressemblé, traduction littérale. Les polythéistes qu'on donne à l'associé Allah Azza wa Jalla dans la seigneurie, ceux qui leur ont ressemblé parmi les Al-Qadariya. قال Al-Qadariya tout le mouradu bihim al-Mu'tazila. Et même un shir de Ifadat al-Mustafid, dans le commentaire, il le confirme. Il dit ce qui est voulu, ce sont les Mu'tazila. وهم الذين يقولون إن الله لا يقدر أفعال العباد ولم يخلقها. Leur dogme à Mu'tazila concernant le destin, il nie le destin en disant Allah Azza wa Jal n'a pas prédestiné les actes de ses serviteurs des hommes. Et ni il ne les a créés. Ça fait partie de leur dogme. C'est en complète contradiction avec la croyance des gens de la Sunna et du consensus. C'est pour cela que, vous avez vu, lorsqu'on apprend la question du Qadr, il faut croire aux quatre maratib. Maratib al-arba'a. Et il est dit, al-khalq, wal-mashi'a, wal-kitaba, wa al-ilm. Ces quatre-là, dans l'ordre, al-ilm, wal-khalq, wal-kitaba, wal-mashi'a. Ces quatre-là, pourquoi il est dit al-khalq? Pourquoi les savants ils disent parmi ces maratib, ces degrés-là, al-khalq? Du fait que pour croire comme il se doit au destin, et avoir une croyance saine dans le qadr, dans le destin, il faut croire qu'Allah est le créateur de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses. Même les œuvres. Tout. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah Azza wa Jal qui le dit. Allah vous a créé et ce que vous faites. Donc Allah est le créateur de toutes choses. Si on dit que c'est l'homme qui a créé ses actions, donc là, on met l'homme comme créateur de ses actions. Qala, regardez ce qu'il dit. فَقَالُوا هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُقَدِّرْ أَفْعَالَ الْعِبَادِ وَلَمْ يَخْلُقَهَا وَإِنَّمَا الْعَبْدُ هُوَ الَّذِي يَخْلُقْ فِعْلَ نَفْسِهِ. Et donc ça veut dire que le serviteur lui-même est créateur de ses propres actions. فَهُمْ شَرُّ مِنَ الْمَجُوسِ. Et donc, regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est encore pire que les Majus, les Masdéens. Parce que eux, ils ont confirmé encore plus de créateurs. Chacun est créateur de ses actions. C'est dans ce sens-là qu'ils vont comprendre aussi. Al-Qadariya Majusu Hadihi l'Umma. Majusu Hadihi l'Umma. Fal Majusu Athbatu Khaliqaini Fakat. Pour ceci, c'est pas Khaliqin. Khaliqaini au duel. Athbatu Khaliqaini Fakat. Eux, ils ont confirmé, pour eux, ils ont cru en deux créateurs. Deux créateurs. Amma haoula, faqad athbatu khaliqin muta'addidin. Tandis que le Qadariya, eux, ont cru en différents créateur. قالوا كل إنسان يخلق فعل نفسه. Toute personne donc est créateur de ses propres œuvres. فهذه مجوسية. فهذه مجوسية. Et ensuite le shir, il va confirmer lui le, en mentionnant le hadith. ولذلك سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في قوله القدرية مجوس هذه الأمة لأنهم يشبهون المجوس. Ensuite l'auteur dit, donc ce passage là maintenant on peut le passer et on va passer ensuite au passage d'après pour avancer. Au passage d'après pour avancer. قال شرك الأمم كله نوعان. شرك الأمم كله نوعان. Maintenant le shir va résumer, et ça c'est très pertinent pour avoir une bonne conception du shirk. Il dit deux catégories. Deux catégories de shirk chez les peuples. Il dit un polythéisme dans l'adoration et un polythéisme dans la seigneurie. Et c'est pas en vain, c'est pas en vain, vous allez voir comment il va le détailler, c'est pas en vain que les savants citent cela d'or dans leurs livres et dans leurs œuvres concernant l'unicité. Pourtant, on a dit que l'auteur du livre est mort. En quelle année ? Souhaib ? Arsens, sallallahu alayhi wa sallam, mashallah, 845. En 845, donc on a la moitié du 854, ils disent ? 854, Arsène, 854. Donc il est mort en 854. Donc c'est un savant, il est mort en moitié du 9e siècle. On a déjà 9 siècles. Donc lorsque l'auteur il écrit, s'adresse à des musulmans. C'est pour que les musulmans lisent cela. L'auteur, à l'époque, on a dit c'est un savant égyptien, donc 9 siècles. 9 siècles, hein, après le début de la révélation, l'auteur, ou l'émigration plutôt du prophète, l'auteur, dans son œuvre, parle aux musulmans, aux lecteurs, aux talab al-ilm, et leur appelle le shirk des différents peuples pour se prémunir et pour constater qu'est-ce que le polythéisme. Sauf qu'ils font le rappel, pourquoi ? Parce que ça c'est existant et ça s'est produit dans la nation et chez les musulmans. Et donc, si vous observez le shirk qu'il y a par exemple dans notre communauté, vous allez voir souvent il est dans l'ubudiyya, il est dans l'adoration. Mais il est aussi dans la seigneurie. Il y a du polythéisme qui a émergé dans notre communauté, chez les musulmans, aussi bien qui peut être lié à la seigneurie, au domaine de l'unicité de la seigneurie, mais aussi au domaine de l'adoration. Et souvent, certains qui donnent des associés à Allah Azza wa Jal, de notre communauté, comme on va l'expliciter, souvent on réunit les deux. C'est pour cela que ça, il est très important de le connaître. Comment souvent ils ont réuni les deux ? Eh bien, lorsque vous voyez les adorateurs des saints dans nos pays, ceux qui adorent les tombeaux, et ceux qui sont adorateurs de leur idole qu'ils appellent Al-Awliya, donc ils leur vouent des adorations. Donc, ils font des sadaqat, des invocations. Lorsqu'ils sont dans l'adversité, ils ont un enfant malade, ils prennent l'enfant, ils le ramènent devant la tombe, ils demandent la guérison pour l'enfant. Donc, il y a toutes sortes de légendes, toutes sortes de pratiques polythéistes, c'est du shirk. Dans le domaine de l'adoration, lorsqu'ils invoquent le wali, c'est dans le domaine de l'adoration. Lorsqu'ils font des offrandes, c'est dans le domaine de l'adoration. Sauf que souvent, beaucoup d'entre eux, le fait qu'ils leur vouent adoration, les savants disent, c'est qu'ils ont des convictions, pour pas tous, parce que le simple fait de leur avoir voué une adoration, c'est un polythéisme. Fi al-uluhiyya. Mais certains ont rajouté d'avoir des convictions dans la seigneurie et de leur avoir donné des pouvoirs de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Du fait que beaucoup d'entre eux, surtout les adeptes et les disciples des différentes confréries, certains pensent que leur wali a une part de gérance de cet univers. Et que le pourvoiement de la subsistance passe par les pôles, ce qu'ils appellent les pôles. Parce que chez ses confrères, il y a différents degrés. Il y a l'alif billah, c'est un degré. Ils ont différents degrés. Et le plus haut degré, c'est l'épaule, ce qu'ils appellent l'aqtab. C'est l'épaule. Et eux, c'est vraiment le plus haut degré. Et ils sont plus semés d'adorer Allah Azzawajal, même de leur vivant. Et après leur mort, le secours du Créateur, la subsistance du Créateur passe par eux. Et donc, ils ont une part de gérance de cet univers. Même ces croyances-là, ils ne les ont pas pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on voit bien que, en rajoutant cette croyance-là, il y a une forme de polythéisme dans la seigneurie. Une forme de polythéisme dans la seigneurie. C'est pour cela qu'il y a un grand savant, dans l'explication, fait une très belle annotation. Il fait une annotation en disant qu'on peut faire ressembler, lorsque je dis qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'il y a des formes de polythéisme, du fait que certains ont fait ressembler le créateur à la créature. Et d'autres ont fait ressembler les créatures au créateur. Regardez, le terme est le même, tashbih al-khaliq bil-makhluq, ou tashbih al-makhluq bil-khaliq. Lorsqu'il y a tashbih, ressemblance, on fait ressembler le créateur à la créature, ça, c'était l'appel et la croyance et les convictions de Ahl al-Kalam. وَالَّذِينَ تَكَلَّمُوا فِي الْأَسْمَى وَالصِّفَاتِ. Lorsqu'ils ont nié les attributs d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'ils ont nié les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et commencé à spéculer, philosopher dans le domaine des noms et des attributs, des noms et des attributs, ils ont fait ressembler le créateur aux créatures. Le créateur aux créatures. وَهَذَا اَعْتِقَاد أهل الكلام. Et d'autres ont fait ressembler les créatures au créateur. On fait ressembler les créatures au créateur. Ça, c'est le cas des idolâtres, ceux qui adorent les saints. Et ceux qui adorent des saints en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux, justement, qui donnent un associé à Allah dans la seigneurie. Comment ? Regardez, lorsque l'exemple qu'on a donné, lorsque précédemment, ils pensent qu'ils ont une part, c'est saint, lorsqu'ils meurent, ils ont une part de gérance de cet univers. Qu'ils répandent la subsistance. Qu'ils sont la cause du secours du Créateur envers les êtres. Envers les êtres. Donc, ils le donnent des pouvoirs que seul Allah Azza wa Jal détient à des créatures. Donc ces créatures-là, ils les font ressembler au créateur. Et ça, c'est tashbih al-makhluq bil-khaliq. C'est faire ressembler les créatures au créateur. C'est-à-dire ces créatures-là, ils leur ont donné des pouvoirs liés à la seigneurie d'Allah Azza wa Jalla, que le seul Allah subhanahu wa ta'ala détient. Des particularités, ce qu'on appelle khasais al-rububiyya. Des particularités de la seigneurie, ils les ont données à des créatures. De sorte qu'ensuite, ils les ont adorées. De sorte ensuite, ils les ont adorés. Abaduhum. Vous avez vu la différence ? Lakin, tashbih, al-khaliq, bil-makhluq. Ça, c'est fibab al-asma wa sifat. Fibab al-asma wa sifat. Taïb. Maintenant, après qu'on ait dit, l'auteur a dit de manière générale, on va avancer dans le metn. Qala, shirk al-umami kulluhu naw'an shirk al-ilahiyya wa shirk fil-rububiyya. Quand les savants ils disent que même dans notre nation, ça s'est produit. Donc là, on a des preuves que dans notre nation, le polythéisme aussi bien de la seigneurie s'est produit que le polythéisme dans l'adoration s'est produit. Là, on va avoir une confirmation. D'abord, l'auteur va nous expliquer qu'est-ce que le polythéisme dans la seigneurie, qu'est-ce que le polythéisme dans l'adoration. Regardez ce qu'il va dire. Qala, فَشَرْكُ فِي الْإِلَهِيَّ وَالْعِبَادَةِ هُوَ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ الْإِشْرَاكِ وَهُوَ شِرْكُ عِبَادِ الْأَصْنَامِ وَعِبَادِ الْمَلَائِكَةِ وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم وقرب وكرامة وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفة لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. Regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit donc premièrement, le polythéisme dans le domaine de l'adoration. Le shir nous dit c'est le plus répandu. Dans le sens plus littéral, c'est le prédominant dans le polythéisme des différents peuples. Ce qui est prédominant, le shirk, en général, ce polythéisme, c'est dans le domaine de l'adoration. Regardez ce qu'il dit. Ou al-ghalib. Al-ghalib, c'est vraiment, c'est celui qui est prédominant. Le plus courant. Et quel est celui-ci? Il dit, c'est le polythéisme, par exemple, des adorateurs de l'asnam. Qu'est-ce que l'asnam? Al-asnam, c'était, comme vous voyez les différents peuples lorsque vous lisez le peuple de Nuh, alayhi salam, du prophète Noé, que la paix soit sur lui, jusqu'au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on voit que ces différents peuples vers qui ont été envoyés les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'entre eux, les prophètes, ont été envoyés vers eux parce que c'était des adorateurs de asnam, littéralement d'idoles ou de statues, si on veut être plus précis. Al-asnam, ce sont des idoles imagées, représentées comme des statues. Les idoles, d'une manière générale, awthan, on a le terme wathan, le pluriel awthan. C'est une idole, mais qui peut être imagée, une représentation, une statue, comme tout ce qui est adoré. Tout ce qui est pris comme adoré, en dehors d'Allah, on peut dire wathan, awthan, sont des idoles. Des idoles. Asnam, c'est plus précis. Donc on pourrait dire que al-wathan, al-awthan, en pluriel, c'est plus général. Ça englobe toutes les idoles. Sanam, le terme qu'utilise l'auteur ici, Ubad al-Asnam, c'est des idoles, mais d'une manière plus précise, c'est plus particulier, c'est tout ce qui est imagé. Ce sont les représentations, les statues. Ça, en arabe, les savants disent que c'est al-Asnam. Mais il n'y a pas que des adorateurs d'idoles, il y a des adorateurs d'anges, ceux qui ont voué adoration aux anges. Il y a des adorateurs de Ubad al-Jinn. Ubad al-Jinn. Comme il est dit dans un verset, en réalité, ce sont les djinns qu'ils adorent. Ubad al-djinn, Ubad al-mashayikh, wa salihin. L'adoration des vertueux et des saints, ça c'est beaucoup fréquent dans notre communauté. C'est beaucoup fréquent. Nous, on a beaucoup été touchés par l'exagération chez les saints et les pieux. Wal amwat. Vous allez voir que c'est très pertinent que l'auteur ait cité différentes catégories. Et c'est ce qu'on apprend fait al-qawaid al-arba'a. Vous avez vu le usloub? C'est ajib le usloub. Des fois, quand on lit des choses, on voit des similitudes dans d'autres œuvres. Alors, est-ce que, après ça, on peut faire une recherche? Vous pouvez faire une recherche. Est-ce que l'auteur de Kitab al-Tawhid al-qawaid al-arba'a s'est inspiré de l'écrit Tajrid, de l'Maqrizi? Est-ce qu'il s'est inspiré de cet écrit, puisqu'on voit que Fil-Qawaid, c'est vraiment scellé. Après, on a des indices que oui. Parce que c'est souvent, on indique, c'est un aql, beaucoup de kalam des Mulqayyim. Et on sait dans la biographie de l'auteur de ces épîtres-là, Al-Qawaid, c'est beaucoup inspiré des Mulqayyim, d'Ibn Taymiyyah et autres. Donc, regardez, pourquoi il cite différents adoration de différents peuples, ou les différentes adorations en dehors d'Allah, que ce soit des anges, des djinns, ça peut être des vertueux, ça peut être des idoles, parce que certains qui adorent, comme dans notre communauté beaucoup, des saints et des vertueux, vont dire non, le shirk c'est le shirk de l'adoration des asnam. C'est-à-dire que pour faire un shirk dans l'adoration, ils peuvent vous dire, non, un shirk de Quraysh, c'est les adorateurs de asnam. Et donc Allah Azza wa Jal, il a envoyé le prophète Mohammed Sam vers Quraysh parce qu'ils adoraient des asnam. Donc pour eux, pour beaucoup, le shirk se restreindrait dans le domaine de l'adoration, dans l'adoration de asnam. Et ça, c'est la croyance, attention, de beaucoup. De beaucoup. De gens qui ne maîtrisent pas le domaine. Alors les savants, vont confirmer qu'en réalité, tant qu'il y a adoration vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un polythéisme dans le domaine de l'adoration. Que ce soit adoration d'anges, adoration de prophètes et messagers, que ce soit adoration d'astres, de planètes, du soleil, de la terre. Il y en a qui adorent des animaux. Vous avez vu, dans certains pays, par exemple, ils peuvent adorer le rat. Le rat est pris comme idole. On ne va pas lui dire que ce n'est pas du shirk parce que le shirk, c'est le shirk d'Asnam. C'est du polythéisme. Parce qu'il y a adoration de autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, notre communauté, elle a été touchée par l'adoration des pieux et des vertueux. Comment prouver que c'est tout ça qui est lié? Tout ça qui est lié. Eh bien, lorsqu'on regarde le justificatif, par exemple, comment argumenter, justifier les polythéistes au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que les polythéistes du temps du prophète, lorsqu'ils adoraient Al-Lat, ou Al-Uzza, ou Al-Hubal, et toutes les divinités et les statues qu'ils adoraient en dehors d'Allah, azzawajal, comment ils justifiaient cela, que pour eux, il n'y avait pas de mal en cela? Ils disaient, « Ma na'abuduhum, ma na'abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. » Nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. On a encore une confirmation qu'ils croyaient en Allah. « Wala insaltahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaqulun Allah. » Donc on a confirmation que les polythéistes arabes du temps du prophète, Sam de l'Jahiliya, ils croyaient en Allah Azzawajal. Et pour eux, l'adoration des statues n'était aucunement une dérive de la Hanifiya, Millatu Ibrahim, de la religion d'Ibrahim. Pourquoi? Parce que s'apparentait à la religion d'Ibrahim alayhi salam. Alors qu'est-ce qu'ils disaient? Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. D'un rapprochement. Regardez dans le verset, il allait qarribuna ilallahi zulfa. Zulfa. Donc ils cherchent des intercesseurs. Et subhanallah, c'est immensément étonnant, subhanallah. Parce que eux, ils disaient ça à l'époque. Et Allah azzawajal nous informe de leur justificatif de l'époque. Mais aujourd'hui, si vous allez dans le Zawiyat, ceux qui, par exemple, ont vénéré la tombe de l'imam Shafi'i, comme on l'avait dit. Vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé dans les premières assises, certains ont vénéré la tombe de l'imam Shafi'i, de Layth ibn Sa'd, comme on avait cité, et de grands imams, comme celle qui est connue, Abdelkader al-Jilani, qui est un grand imam. Abdelkader al-Jilani est innocent de leur politisme, comme l'imam Shafi'i. Jusqu'à ce qu'il ait dit qu'à l'époque, certains mashayikh enseignaient le ilm proche de la tombe de l'imam Shafi'i. Et un jour, il avait donné un examen à ses élèves, et en distribuant, avant de distribuer les feuilles, alors tous les élèves se sont dirigés vers la tombe de l'imam Shafi'i pour lui demander la réussite à l'examen. Et il l'implorait. « Ya imam, fais qu'on réussisse notre examen. » Jusqu'à ce que le shir leur dit « c'est bon, ya abnai, mes enfants, c'est bon, il vous a entendu. » Allah dit, in tad'uhum, la yasma'u du'a'akum, wa law sami'u, mastajabu lakum, wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Allah dit, si vous les invoquez, ils n'entendraient pas. In tad'uhum, si vous les invoquez, vous les implorez, ils n'entendraient pas vos demandes, vos supplications. Wa law sami'u, mais dans l'hypothèse, Allah dit qu'ils n'entendraient pas, mais dans l'hypothèse, wa law sami'u, mastajabu lakum. Il ne pourrait pas répondre. Donc ça ne sert à rien de les appeler en vain. De leur demander en vain. Ils n'entendent pas. Et même s'ils entendaient, ils ne pourraient pas répondre. Et Allah appelait cela shirk. Et il dit, et le jour de la rétribution, ils se désapprouveront votre polythéisme. Allah appelait ça polythéisme. Alors le shirk a dit au tullab, c'est bon. Qad sami'a al-imam. L'imam, il a entendu. Mais pourquoi n'ont-ils pas demandé à Allah? Fa inni qarib, Allah nous dit, je suis proche. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-da'in idha da'an. Et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, dis-leur, je suis proche. Allah ne veut pas qu'on demande à un autre que lui, et l'auteur va très bien expliquer de manière très pertinente. On avance. Donc, aujourd'hui, même chez nous, dans notre communauté, chez les musulmans, et c'est courant dans les pays d'Afrique, Lorsque je dis l'Afrique, je parle de l'Afrique centrale, plus loin encore, et du Nord, puisque tous africains, même les Maghrébins sont africains, c'est le continent. Est-ce que la France, on dit qu'elle n'est pas occidentale? C'est l'Occident, c'est l'Europe, elle est européenne. Le Maghreb est africain. C'est pas une question de couleur. Là, on est dans un continent africain. À l'époque, le Maghreb s'appelait l'Afrique du Nord. Shamal Afrika. Et si vous lisez les anciens listes d'histoire, à l'époque de Orkba ibn Nafia, maintenant, lorsqu'il est venu, il n'est pas dit qu'il est venu en Algérie. Il n'est pas dit que Orkba ibn Nafia, et à l'époque Tariq ibn Ziyad, il était en Tunisie ou en Algérie. Dans les livres d'histoire, il est dit Shamal Afrika, au nord d'Afrique. À l'époque de Youssouf ibn Tashfin, Youssouf le fondateur de Marrakech et de ce grand empire qui a réuni tout le Maghreb et une partie de l'Afrique, qui s'appelait Dawla al-Murabata, c'est un grand état, l'empire des Murabitin. Le nord, c'était le nord d'Afrique. Donc quand je dis l'Afrique, je ne veux pas dire juste l'Afrique noire, mais le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, et on va jusqu'au Moyen-Orient, en Égypte et autres, et dans d'autres contrées musulmanes. Dans d'autres contrées musulmanes, vous allez voir le culte dans les cimetières ou la Hajib. Il y a même certaines tombes, ils font pas juste des invocations, des prières, ils font même tawaf. Il y a même dans un endroit, dans le monde, dans un pays musulman, où que les gens, ils vont faire le pèlerinage. Ils vont faire le pèlerinage, pas à la Mecque. Ils vont faire le pèlerinage pour eux, vers la tombe de ce qu'ils considèrent comme la tombe de l'Hussein. Et ils font At-Tawaf, le pèlerinage. C'est impressionnant. Et si vous leur demandez, mais pourquoi ils font ça? Ils vont vous dire, bah, parce qu'il va intercéder pour nous. Le Wali, il va intercéder pour nous auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est le même argument. Et là, notamment, il va le dire. ويشفعون لنا عنده وينالون بسبب قربهم من الله وكرامات لهم. Et donc nous, les saints qu'on adore, ces vertueux là, ils vont intercéder pour nous parce qu'ils ont un haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il dit à son peuple, ya Quraysh, inni la ughni ank Indallahi Shay'an. Ô Quraysh, saint, je ne pourrai rien pour vous auprès d'Allah. Jusqu'à ce qu'ensuite il s'adressa à son peuple, aux membres de sa famille, et jusqu'à ce que le prophète dit, ya Fatima, ô ma fille Fatima, inni la ughni anki min Allahi Shay'an. Je ne pourrai rien pour toi. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourra rien. Il appelle à l'adoration du Créateur unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Comment un autre, en dehors de lui, ceux qui viendront plus tard, parmi des grands imams, bien sûr, parmi des saints, pourront quelque chose. Et toujours l'argument, que ce soit à l'époque, des politistes du temps de Jahiliya, jusqu'à maintenant, sauf que maintenant l'ambiguïté est profonde, parce que ils disent « la ilaha illallah », des membres de notre nation. Ils disent « la ilaha illallah », pourtant ils adorent autre qu'Allah, azza wa jalla. Et eux, à l'inverse, les polythéistes du temps du prophète, Abu Jahl, par exemple, Abu Lahab, eux, ils n'ont pas voulu dire justement la ilaha illallah parce qu'ils savaient que ça voulait dire qu'il fallait délaisser l'adoration des Asnam. Eux, ils savaient. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne l'ont pas dit. Mais nous, aujourd'hui, ils disent la ilaha illallah, ils affirment que Mohammed est le messager d'Allah, wa ya'buduna ghayrallah. Bimarna allahum. لم يفهموا معنى لا إله إلا الله وما فهموا القرآن. Regardez maintenant l'auteur, qu'est-ce qu'il va dire. On peut avancer. قال كما هو المعهود في الدنيا من حصول كرامة وزلفة لمن يخدم أعوان الملك أو الملك وأقاربه وخصته. ما معنى هذا؟ معنى هذا فشبه الله بالملوك الذين يتوصل أو يتوصل إليهم بالوسيط والوزراء. En faisant cela, l'auteur veut sous-entendre que lorsqu'ils cherchent des intercesseurs, ils prennent des intermédiaires, l'adoration des saints et des vertueux dans notre communauté. C'est ça, les vertueux et l'aulia, l'adoration des aulia, c'est quoi? C'est de les prendre comme intermédiaires, comme on l'a dit précédemment, en pensant qu'ils vont intercéder auprès d'Allah. Donc là, le cheikh, l'auteur, ce qu'il veut faire comprendre, sous-entendre, c'est qu'ils ont fait ressembler Allah, Azzawajal, ils ont comparé Allah au roi humain, au roi sur terre. Au roi sur terre. Or, le croyant, en aucun cas, ne compare son créateur avec les créatures. Là, ils ont comparé le créateur, le souverain absolu, Allah Azzawajal, avec les rois sur terre. Pourquoi ? Regardez ce qu'il dit. Parce que pour arriver au roi, si par exemple, on a une demande et on veut faire parvenir cette demande au roi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver des intermédiaires. Donc, on va passer par des connaissances qui vont passer par des ministres. Et donc, il faut passer par des ministres. Donc souvent, on ne peut pas demander directement au roi. On ne peut pas demander directement au roi. لِأَنَّ الْمُلُوكْ لَا يَعْلَمُونَ أَحْوَالَ النَّاسِ. Et donc, c'est pour cela qu'aussi, pourquoi les rois sur terre ont des vizirs, ont des ministres, ont des gouverneurs dans différentes contrées? Pourquoi? Vous savez aussi pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas connaître tout ce qui se passe. Il y a par exemple des rois qui gouvernent sur différentes contrées. Sur différentes contrées. Comme aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui dans les pays, il y a ce qu'on appelle des muhafazat, des départements, il y a des régions. Pourquoi on élit des responsables de région? Parce que ces responsables de région vont gérer leur région et faire remonter les informations, ce qui se passe dans leur région, au chef d'État. Au chef d'État. Donc, pour cela, un roi, il a besoin de ministres. Et donc, pourquoi? Parce que il ne connaît pas, il ne peut pas savoir tout ce qui se passe dans son royaume. Alors, regardez. فَهُمْ بِحَاجَةِ إِلَى مَنْ يُبَلِّغُهُمْ وَلَا يَعْرِفُونَ إِذَا حَاجَةَ الشَّخْصِ. Et donc, eux, ils ont besoin d'avoir des gens à leur service qui leur remontent justement les informations des gens des différentes régions et des différentes contrées. Comme aussi, ils n'ont pas la connaissance de la situation des personnes de manière individuelle. Là, on parle des gens de manière générale, ceux qui vivent et leurs besoins dans certaines régions et certaines contrées du monde, mais aussi, ils n'ont pas la connaissance, maintenant, de manière individuelle, de la situation des personnes elles-mêmes. Ils n'ont pas cette connaissance-là. Donc, pourquoi ? Parce qu'eux ne connaissent pas l'invisible. Ils ne connaissent pas la situation des gens. Ils ne savent pas si telle personne qui vit à telle adresse, ils ne savent pas, est-ce qu'il est dans le besoin, il n'est pas dans le... Donc, ils ont besoin qu'on leur remonte les informations sur la situation des foyers, sur la situation des différentes familles, sur la situation des gens d'une manière générale. Donc, il y a besoin de ministres, il y a besoin de... Donc, même lorsqu'on veut faire parvenir des choses au chef d'État ou au roi, on prend des intermédiaires. Mais avec Allah, c'est pas comme ça. Notre Créateur a la connaissance de la situation des peuples, de la situation des gens, des foyers. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, a la connaissance. Et regardez, pour cela, les grands théologiens disent que le musulman, lui, sait que son créateur a la connaissance. Et ça fait partie de notre croyance en la seigneurie. Vous avez vu comment l'importance de se faire le rappel sur le domaine de la seigneurie. فقال وَأَيْضًا الْمُلُوكَ لَبُدَّ مِنْ أَحَدْ يُؤَثِرْ عَلَيْهِمْ لِأَجْلِ أَنْ يُجِيبُ مِنْ طَلَبِ مِنْهُمْ حَاجَةً لَبُدَّ مِنْ أَحَدْ يُؤَثِرْ عَلَيْهِمْ. Et aussi, chez les rois sur terre, il y a un autre élément. Ils ont des tierces personnes donc qui leur remontent les informations. Et donc parfois, le roi, si nous on a une demande, il faut trouver un intermédiaire, une connaissance qui puisse lui faire remonter notre demande. Donc il est dit qu'ils ont des gens autour d'eux qui peuvent les influencer. Qui peuvent les influencer et adoucir par exemple leur cœur. En termes plus familiers, faire valoir la requête d'une tierce personne, demandeur. Donc par exemple, une tierce personne dans le peuple a un problème quelconque, il veut faire savoir ce problème au roi, au dirigeant de cette contrée. Alors il va trouver des intermédiaires qui puissent faire remonter sa requête, jusqu'à trouver une personne qui est proche du roi, essayer d'adoucir le cœur du roi pour qu'il se penche, en quelques termes à nous familiers, sur le dossier, sur ta demande, sur ta requête. Donc, vous avez vu, sur plusieurs considérations, on voit donc que un roi sur terre n'a pas la connaissance de tout ce qui se passe dans son royaume, les différentes contrées. Il est dans l'obligation d'avoir des ministres, des gens qui travaillent pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il ne connaît pas la situation des foyers, comme on l'a dit. Il ne connaît pas la situation des différentes régions. On doit lui remonter toutes ces informations. Il n'a pas la connaissance de ce qui se passe de manière individuelle dans les foyers. Comment il peut savoir ce qui se passe, la situation des différents peuples qu'il gouverne, lorsque les informations des fonctionnaires à lui lui remontent les informations ? Il ne connaît pas les besoins des gens. Donc il a besoin qu'on lui remonte tout cela. Aussi, pour qu'il se penche sur ton dossier, sur ton affaire, il a besoin qu'on lui radoucisse son cœur. On lui parle de toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il n'a pas besoin qu'on prenne des intermédiaires. Vous comprenez pourquoi ? Dans notre religion, lorsqu'on veut implorer le Créateur, on n'a pas besoin de prendre d'intermédiaire. Et il ne faut pas prendre d'intermédiaire. Allah veut qu'on lui demande directement, puisqu'Allah connaît ta situation, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin qu'une personne tierce vienne et l'informe de ta situation. Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux lui demander directement. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسادة والفضل بعد. Donc juste pour finir ce point, avant de parler du comportement, de continuer sur la lecture du livre concernant le comportement dans les mosquées. Donc regardez, en ce qui concerne notre Créateur, lui, ses serviteurs peuvent lui demander directement. Pourquoi ? Parce que comme le dit le Shir ici, l'auteur de Ifadat al-Mustafid, il dit « فَإِنَّهُ رَحِيم وَدُود قَرِيب مُجِيب » Allah, il est miséricordieux. Allah est proche de ses serviteurs. « وَدُود » Mujib, celui qui répond aux invocations de ses serviteurs. Allah n'a pas besoin d'une tierce personne, d'un fonctionnaire à ses ordres pour lui faire part de ta demande. Et adoucir, comme les rois ont besoin pour qu'ils se penchent sur ton dossier, sur ta demande, qu'une personne adoucisse son cœur, fasse valoir ta demande, jusqu'à ce qu'il ait pris d'une sympathie ou d'empathie, d'une certaine pitié. Et donc, il va compatir à ta demande et à ta situation et t'aider. Donc, il a besoin d'une personne qui va le convaincre d'aider telle et telle personne. C'est ça, il intercède auprès du roi. Allah Azza wa Jal n'est pas comparable. Allah n'a pas besoin que tierce personne lui fasse part de ta situation. Mais tu dois lui demander directement. Parce que Allah lui-même, il est le tout miséricordieux. Allah Azza wa Jal est proche de ses serviteurs. Où que tu sois, Allah est proche. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah entend nos demandes et nos implorations et nos invocations. Et plus on est certain qu'il nous entend, plus on est certain qu'il est proche, et plus on a plus vraiment notre certitude est parfaite, plus Allah Azza wa Jal va nous répondre. C'est une évidence, c'est une certitude, parce que Allah Azza wa Jal dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit ud'uni, c'est un impératif, invoquez-moi. Il n'a pas dit invoque le tel wali. Et s'il y avait des awliya à invoquer, il aurait dit invoquez tel et tel prophète. Mais il n'y a aucun verset qui sous-entend que les prophètes doivent être invoqués en dehors de lui. Par contre, Allah Azza wa Jal nous enseigne au sujet de leur histoire et on voit que leur histoire était qu'ils appelaient leur peuple à l'adoration de leur créateur, d'Allah Azza wa Jal. Et donc, alhamdoulilah, la miséricorde d'Allah fait qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire. Allah nous entend. Allah, il est proche. Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa kama qala al-musannif, fa'innahu rahimun wadudun qaribun mujib. Laysa bihajatin ila an yu'athira alayhi ahad. Allah n'a pas besoin qu'une personne l'influence. Allah n'a pas besoin d'influenceur, subhanahu wa ta'ala. Un roi sur terre a besoin. Parfois, il va entendre ta demande. Ça ne va pas le toucher. Une tierce personne, un proche vient et lui parle de la même demande et ça va le yuraqqiq qalba. Il va adoucir un peu son cœur et là, il va se pencher sur ta demande. Mais nous, notre Seigneur nous dit ud'uni astajib lakum. Astajib lakum. Et sachez que lorsque vous invoquez Allah, et ça c'est la demande de beaucoup, souvent on invoque Allah et on se dit mais j'ai pas eu la réponse à ma demande. Ça fait longtemps que je demande, j'ai pas eu la réponse à ma demande. Ça c'est ce qu'on appelle l'ajala, ou l'istiajal fi dua. On précipite les choses. Et le prophète nous enseigne que ça c'est la cause pour qu'Allah Azza wa Jal ne réponde pas. Il ne faut pas se précipiter. Allah Azza wa Jal, vous l'invoquez, et par sa sagesse, s'il y a un bien pour vous de vous répondre, et de vous donner ce que vous avez demandé, Allah Azza wa Jal vous donnera. Mais il y a trois choses que le prophète Sansam nous dit. Lorsqu'on invoque Allah, soit Allah Azza wa Jal répond à la demande et donne. Lorsqu'il le décide, subhanahu wa ta'ala. Soit il laisse cela. Il laisse cela pour l'akhira. Allah Azza wa Jal laisse cela. Ou soit, les savants disent, tu seras préservé d'un mal encore plus grand. Allah va te préserver d'un mal encore plus grand. C'est les trois choses. Donc, quoi qu'il arrive, tu as une réponse. Quoi qu'il arrive, Allah subhanahu wa ta'ala a entendu ta demande. Bien sûr, il faut insister. Al-ilhah. Il faut insister en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il entend. Il connaît votre situation. Notre situation, il la connaît. Ce que les gens vivent, il connaît. Les difficultés qu'on vit, il connaît. C'est ça, plus on a un lien avec le Créateur, plus on ressent ce qu'on appelle Al-Ma'iyya. Ce qu'on appelle Al-Ma'iyya, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous, subhanahu wa ta'ala, bi'ilmihi, par sa science. On va prendre quelques phrases, inshallah, concernant les règles des mosquées. On avait dit qu'on parlerait du comportement des mosquées. Adab buyutillah. Adab buyutillah. Pourquoi ? Puisque, alhamdulillah, les gens qui peuplent les mosquées doivent apprendre le comportement des mosquées pour ne pas prendre de péché. Et c'est très important de savoir se comporter dans les mosquées, donc d'apprendre les règles relatives aux mosquées. Et d'apprendre aussi la récompense qu'il y a, parce que ça va nous encourager justement. Et donc hier, on avait terminé lorsqu'on a parlé d'un hadith, un hadith immense, où dans un hadith, il est fait allusion à ce qu'on appelle des piliers. Dans la mosquée, il y a des piliers. Et on avait dit dans ce récit, il est dit que les anges viennent et s'assoient à côté de ces piliers. Et s'ils s'absentent, ils demandent après eux. Et s'ils tombent malades, ils les visitent. Ajib, des piliers dans la mosquée, dont les anges, s'ils viennent à la mosquée, ils s'assoient à côté de lui, à côté de ces piliers. S'il est absent, ils vont demander après lui. S'il est malade, ils lui rendent visite. Et dans l'explication du hadith, les savants ont dit, c'est celui qui reste à la mosquée. C'est celui qui passe du temps à la mosquée. Les anges s'assoient à côté de lui, subhanallah. Et ce hadith est authentifié par al-Sheikh al-Allamatu Muhaddis al-Asr al-Albani rahmatullahi alayh. Dans un autre récit, c'est pour cela que les savants, avant de passer à un autre récit, ils disent que le bienfait de la mosquée, comme on a dit, ce qu'on appelle Buyutullah, les demeures, les maisons d'Allah Azzawajal, c'est l'endroit le plus aimé d'Allah Azzawajal, et on avait confirmé cela avec le hadith dans la dernière assise d'hier. C'est l'endroit le plus aimé d'Allah. Si on veut se réfugier dans un endroit et chercher le meilleur des endroits où se réfugier, où passer du temps, c'est la mosquée. Donc, ne soyez jamais attristé ou avoir du regret parce qu'on a passé des heures à la mosquée. Et te dire, oh, j'ai perdu du temps, j'aurais pu faire tel et... Non, tu n'as pas perdu de temps, au contraire. C'est à ton actif. Pourquoi ? Parce que la mosquée, celui qui connaît la valeur des mosquées, pourquoi des gens arrivent à passer du temps à la mosquée ? Parce que c'est dans cet endroit que vous allez trouver Rahat al-Quloub. Les savants disent, c'est à cet endroit qu'on trouve la tranquillité des cœurs. Et le cœur, il est apaisé. Vous avez vu, lorsque on vient à la mosquée et on pense à son Seigneur, on fait zikrullah, là on commence à être apaisé. On essaye d'oublier les difficultés de la vie, malgré que Shaitan ne va pas nous laisser. Dès qu'on commence la prière, il va nous rappeler nos problèmes, nos difficultés, au foyer, dans la vie professionnelle, avec nos proches. Mais le croyant, lui, lorsqu'il vient à la mosquée, il est apaisé. C'est une réjouissance. Et le prophète, regardez, ce qui nous encourage, on va se faire le rappel avec un hadith, et on va se quitter, Inch'Allah. Ne serait-ce de venir d'écouter juste un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est meilleur que cette vie d'ici-bas, tout ce qu'elle contient. Kalam al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, près de 15 siècles après la révélation et la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous a qaddar, vous a prédestiné. Imaginez-vous la valeur que vous, en ce jour, en cette heure, vous êtes fi bayt min buyutillah et vous écoutez un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne reconnaît pas le bienfait d'Allah n'est pas heureux de cela, c'est qu'il ne connaît pas. Il ne se rend pas compte du bienfait d'être dans une maison parmi les maisons d'Allah et d'écouter la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que celui qui vient à la mosquée, lui, il est venu pour écouter kalam Allah wa kalam Rasul. On n'est pas là pour faire de la sociologie. On n'est pas là pour faire de la philosophie ou autre. Il y a d'autres endroits où on apprend ces séances-là. Mais les croyants, lorsqu'ils viennent dans un lieu de culte, à la mosquée, ils sont là pour entendre kalam Allah wa kalam Rasul. Et ça, c'est une amana. C'est-à-dire, celui qui enseigne dans une mosquée, c'est une amana. Il enseigne aux gens, kalam Allah, yuballigh. Il transmet. Le Nabi Sansam, il dit, ballighu anni wa law aya. Transmettez de moi, ne serait-ce même un verset. Et le prophète, dans un hadith, il dit, naddar Allahum ra'an, sami'a minna shay'an, فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَمِنْ سَمِعَ. Le prophète a fait l'invocation pour une personne qui entend une parole de lui. Regardez, il dit نَدَّرَ اللَّهُ. C'est une invocation, le prophète dit qu'Allah accorde la splendeur. La splendeur, pour qui? لِمَنْ سَمِعَ مِنَّ شَيْئًا. Pour celui qui entend de nous, de moi, il dit le prophète en fait مَقَالَتِي dans une version, ou qu'il entend une parole de moi. فَبَلَّغَهُ comme à sa mère. Il va la transmettre comme il l'a entendu. L'enseignement, il est immense. Regardez le prophète ce qu'il nous dit. Il dit qu'Allah accorde la splendeur à celui qui entend l'une de mes paroles et la transmet comme il l'a entendue. Il se peut qu'une personne à qui on a transmis ait mieux compris que le transmetteur. Je vous traduis littéralement. Dans l'explication, les savants ont dit, vous entendez un hadith du prophète, sallam. Si ce hadith-là, par exemple, que je vous ai transmis, vous le mémorisez, vous le transmettez, vous arrivez à la maison, vous enseignez ce hadith-là, du prophète, sallam. Peut-être que parmi certains d'entre vous, même s'ils n'ont jamais entendu ce hadith, et par exemple, ils l'entendent quand je le dis, ils l'ont appris de moi, peut-être eux ont mieux compris que moi, et ont une meilleure compréhension que moi, et peut-être eux sont plus ancrés dans le savoir que moi. Et ce n'est pas une condition de transmettre le hadith, d'avoir le fiqh du hadith, de comprendre tous les détails. Si on le transmet comme on l'a entendu, par contre, il ne faut pas le falsifier. Alors peut-être certains d'entre vous ont un ilm qui font qu'ils comprennent bien le hadith mais ils ne l'avaient pas entendu. Regardez, al-muballagh c'est qui? C'est celui qui a entendu le hadith. Al-muballigh, c'est celui qui le transmet. Al-muballigh, celui qui transmet. Mais là le prophète sam dit farubba muballaghin awa min sami'. As-sami' alladhi ballagh. Et peut-être qu'une personne d'entre vous يبلغ يسمع الحديث وهو أفقه مني وهو سيبلغ الحديث. Et lui va transmettre le hadith. Qu'est-ce qu'il a? دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب مستجابة بلا شك. L'invocation du prophète, elle est exaucée. Il n'y a aucun doute. Est-ce qu'une personne a un doute que l'invocation du prophète elle soit exaucée? Personne n'a le doute. Eh bien, si vous transmettez un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez entendu, bil-lafz, pour ça, il faut les vérifier, et vérifier l'authenticité, eh bien, vous avez l'invocation du prophète. C'est quoi Naddara Allahu? Naddara, c'est la splendeur. Qu'Allah fasse que vous soyez resplendissant. An-nur, illuminé. Et les savants, dans l'explication, ils disent, vous aurez une resplendissance, une lumière aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. C'est pour ça que les savants disent, est-ce que vous n'avez pas remarqué depuis les premières générations, bon, on ne les a pas vus, on ne peut pas le savoir, mais jusqu'à aujourd'hui que Ahlul Hadith, ils ont un nour, ils sont beaux. Les transmetteurs des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Déjà pour nos contemporains, les grands imams, vous avez vu les transmetteurs, ceux qui ont donné leur vie dans l'apprentissage des hadiths du prophète, vous avez vu un nour, cette lumière. Alors ils disent, c'est la da'wa du prophète, Ahlul Ilm. Ahlul Ilm. Et je vous termine, donc je vous ai dit un hadith, c'est un autre hadith que je voulais dire qu'on mettra pour demain pour ne pas être trop long. Je voulais vous faire par juste un grand savant contemporain du hadith, qui est surnommé la perle de Médine. Il enseigna dans la mosquée du prophète, quasiment tous les recueils de hadith. Tous les recueils de hadith du prophète. De Bukhari, le Muslim, ou Sunan Abi Daoud, ou Sunan Tirmidhi, ou Ibn Majah, ou Nasa'i. Il enseigna toute sa vie cela. C'est des décennies d'enseignement. Un jour, alors, les responsables à Médine ont voulu le rétribuer et lui donner une rétribution à ce cheikh. Toute sa vie, il a servi la tradition du prophète, sallam. Alors, les grandes autorités lui ont donné une grande récompense. C'était une très grande récompense, une grande somme d'argent. Alors le cheikh a envoyé son fils. Son fils lui-même est un cheikh qui enseigne lui-même dans la mosquée du prophète, ensemble, le père et le fils, subhanallah. Et le fils s'est excusé devant les autorités que son père, vu son âge avancé, ne pouvait pas venir lui-même, mais il avait écrit un message, une lettre, et son fils a lu la lettre. Une très grande somme d'argent. Si je ne me trompe pas, l'offre c'était plus de 200 000 euros qui lui ont été offerts au shir. Le shir a refusé la somme, mais il a dit qu'il prenait la somme et qu'il allait la distribuer pour ses élèves. Pour tous les élèves qui sont venus apprendre le hadith. Mais lui n'a rien pris. Cette somme-là, il l'a distribuée. Et ce shir-là, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand vous allez à Médine et vous apprenez le hadith chez lui, il demande à tous les élèves, celui qui est dans le besoin, il doit écrire son nom dans la liste. Alors les élèves, il distribue une feuille, une qa'ima, où il y a la liste des toulabs qui sont dans le besoin. Il distribue la liste. Ensuite, cette liste-là est donnée au shir. Et le shir aide les toulabs. Jusqu'à un jour, ce même shir, un jour, un converti à l'islam, un frère d'origine française qui étudie à Médine, il n'avait pas les moyens, il y a 2 années comme ça, de faire le pèlerinage. Vous avez vu, il y a 1 année ou 2 années, c'était avec quota. Et ils avaient accepté, si je ne me trompe pas, 10 000 ou 30 000. Et il y a 1 année, à cause du corona, c'était que les résidents. Donc le hajj était à peu près à 15 000 rials, même pour les résidents, ce qui représentait une somme de 4 000 euros, à peu près. Et un des toulabs qui vit modestement n'avait pas les moyens. Donc lui, comme il a entendu que le shir, il aime les étudiants qui sont venus apprendre, alors il a tapé chez le shir. Il est parti chez le shir, un peu de culot, il est parti chez le shir, il a rencontré un de ses fils, il lui a dit « qu'est-ce que tu veux ?» Il a dit « je suis venu demander de l'aide ». Ils l'ont fait rentrer, et c'est lui-même, le frère, qui me raconte son histoire. Ils l'ont fait rentrer, ils l'ont fait boire, hospitalité, ils lui ont fait manger. On s'est dit « c'est quoi ta demande ?» Il dit « je voudrais faire le hajj, mais il y en a pour 4000 euros, j'ai que 1000 euros. Il me manque 3000 euros. Et s'il n'a pas payé dans les jours qui arrivent, ensuite sur le site, l'acceptation, elle est annulée. Il faut payer dans les délais. Et donc il n'avait pas. Alors le fils est monté vers le shir. Il est monté vers le shir et lui a fait part de la demande. Le fils est revenu tout de suite avec la carte bleue. Ils sont rentrés dans le site, ils ont tout payé. Si le frère ne raconte pas son histoire, le shir, on n'aurait pas pu savoir qu'il a payé le pèlerinage. Alors imaginez-vous les gens. Ça, c'est une personne qu'on sait qui va demander de l'aide au shir. Imaginez les gens qui viennent chaque jour et qui demandent. Hakada l'ulama. C'est ça l'ulama. Ahlul hadith. Ils transmettent les hadiths du prophète. N'ayez pas peur. Si vous apprenez un hadith du prophète, vous apprenez les ilms, vous voyagez pour la science, n'ayez pas peur sur votre subsistance. Comme il est dit, apprenez la religion, Allah dépense pour vous. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Je suis vraiment désolé. On a tardé. Wa faqakum Allah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.